9, 1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Chantal Rioux nous parlera de dehors dans la chronique trucs et astuces du Clip Lair UQTR. Angie Durocher nous dira ce qui l'a marqué cette semaine dans la Dèse de Julie et Alexandre Carillon avec le temps de culture. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 12 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Hola! Hola! Salava! Salava! Oui, j'essaie de parler espagnol plus, là. Je trouvais. À là, ça me donnait un accent peut-être espagnol, mais en parlant français, tu sais. Salava! Salava! Salava, c'est comme de la lave. Oui, c'est. Laval. C'est Laval. Laval, c'est comme chanter la chanson. C'est Laval, Laval. Ça va Laval, olé. Oui, ça va Laval. Oui, ou. J'entends ça là. C'est comme Éric Salavert. Ah oui! Ou est-ce que tu prendrais un petit peu de salalai? Salalai. Salalai. Salalai. Salalai. Salalai. Donc, bon, bienvenue à vous. Bienvenue ben oui. En direct dans nos studios à Trois-Rivières, les studios de C'est Fou 89,1 FM. Oui. FM pour. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Vraiment mal. Vraiment mal. Frais mal. Ouais. Ouais, pas sûr. Frais matinal. Bon, donc aujourd'hui, à l'émission, on a à 8h Chantone Rioux et sa chronique du Club plein air UQTR, sa chronique de trucs et astuces sur l'extérieur, ce qui se passe de Wour. À 8h30, on aura Anne-Julie et l'Index, où on nous présente quelque chose qu'elle a aimé pendant la semaine. Hein, c'est un coup de cœur, quelque chose comme ça. Ensuite, à 8h45, Mathieu Roy et la chronique de l'AGEQTR. Oui. Les activités qui s'en viennent. À 9h, Alexandre Carignan et le temps d'une culture. De l'art à spectacle. Mm-hmm. C'est le plan pour l'émission d'aujourd'hui. On va aussi avoir la chronique Maison Kinky Sexy Time dans quelques minutes. Parce qu'on est mardi. C'est mardi, c'est le jour pour ça. C'est le jour du Kinky. Kinky! Mais avant ça, une nouvelle entrée du palmarès francophone. On s'en va en 20e place. C'est Mauve. Le retour de Mauve. Bon des, plan, ça. C'est un bon plan. Mais ça, c'est des vétérans des soirées cachées, ça. Oui, c'est les deuxièmes. Deuxième. Parce qu'il y en a un autre qui s'en vient, un autre groupe ou un autre, je sais pas, un artiste, au moins. Il y a quelque chose qui s'en vient. Dans les prochaines semaines. J'essaie d'être le plus vague possible. C'est ce qu'ils disent. C'est ça. Vous saurez la date quand le Zone Campus sortira plus tard aujourd'hui. Oui. On va pouvoir l'annoncer à partir de là, la date au moins. Et il devrait avoir aussi un événement Facebook créé en symbiose? Oui. Wow! Je sais pas. Symbiose, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ce mot-là, même si c'est même pas moi qui l'ai utilisé. Non! Bravo, Mathieu. Ben, tu l'as utilisé en me citant. Oui. En, ouvre les guillemets, symbiose. Mathieu Plan 2013. Voilà. Voici Mauve et Manège. Yeah.

Rouge pompier. Rouge pompier. Ben oui. Il y a un vidéoclip que je viens de mettre là. Il y a l'air de quoi, ce vidéoclip-là? C'est une vidéo qui joue. Wow, tu veux dire tu peux faire play, puis il y a des mouvements, les images sont comme animées, comme un GIF animé, mais avec du son. Exactement, puis wow. C'est synchronisé. Le son est synchronisé avec l'image. C'est génial. J'ai jamais. Mais allez voir ça. Il est sur Assemblage Requis, page Facebook. Oui. Ou sinon, si vous tapez Rouge Pompier dans YouTube. Bande de losers! Non, passez par facebook.com, / Assemblage Requis. Puis mettez-nous un petit commentaire par le passage, là, du genre. Voilà. Good job! Voilà! Stiff. You know Stiff? J'ai un Stiff. Oui, tu es. Oui. Hashtag Stiff. Stiff. tiens, ben, on a commencé avec quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas vraiment nouveau parce que Rouge Pompier, on s'entend que l'album date. Mais leur clip est tout nouveau. Mais date, c'est pas si vieux. 2012 ou 2013? Ben, ça doit être fin 2012 ou début 2013. Je sais pas. Tu veux-tu que j'aille voir? C'est une excellente question. Je veux savoir ça, moi. Si, vite. Ok, qui trouve l'information? Ok, attends un peu. Mathieu, en attendant, est-ce que tu peux me dire. Fin 2012, je sais pas. C'est à peu près ça. L'album Kevin Bacon. Ouais. Tu voulais me poser une question pour essayer de me faire chercher d'autres choses pour pas que je sois en train de. Ah, t'es vraiment un traître. Ah, je suis un gars comme ça. Un traître. Donc, on a écouté quelque chose de plus ou moins nouveau, mais qui est nouveau en termes de vidéo. Là, on vient avec quelque chose de nouveau/vraiment très très présent. Ok. C'est une nouvelle entrée du palmarès francophone. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, tu sais, de la chanson. Cette chanson-là ici, est-ce que tu te rappelles de ça? Il n'y avait pas les doudous dessus. Ah, oh, c'est ça, à cause. Parce que moi, je la voyais plus, il y avait des couvertes. Il n'y avait pas de doudous par-dessus. Des doudous. Bon, bref, tu t'en rappelles? Oui, ça dit coup de vent, genre. Ça s'appelle ça. Mais il y a une nouvelle chanson. Ah! Elle s'appelle juste un peu trop. C'est Summerland. C'est Summerland, ça. Ouye, wiki, wiki. Assemblage wiki, wiki. Jusqu'à 9h, wiki, wiki. 30, oui. Ben oui, wiki. Wiki. Qui? Moi. J'aime mieux celle-là que l'autre. Elle est très bonne. C'est juste un peu trop de Summerland. Juste un peu trop bon. Juste un peu trop bon. T'as pas dit? Oui, c'est comme un genre de référence plus qu'une blague. Là. Ouais. Parce qu'une blague. Faudrait que ce soit drôle! Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 489. 1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. 7h59, toujours à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées, en compagnie de Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Oui, on est parti sur un petit kick de nouveautés, on dirait, ce matin. Quand le nouveau palmarès arrive en studio, ça nous fait plaisir, on veut l'entendre au complet. Ben, j'ai le poil qui revire. Ah, mais ça pas trop, là, ça n'a pas l'air vrai quand tu en mets de main. Ah, excuse-moi. Oui. Donc, on va l'entendre. J'en perds mes cheveux. Ah! Check ça, j'ai perdu mon pied. On va l'entendre une nouvelle entrée du côté anglophone. C'est par la formation Fur Trade. Oui, c'est comme si je te disais, je vais aller voyager, mais avec un accent anglophone. Voyager. C'est comme ton truck, là, ta station wagon puis ta Voyager. Exactement. Voyager, c'est une van, ça. C'est une genre de petite minivan. Là. Voyager again. Ouais, hey, les liens que tu peux faire sont savoureux! Savoureux! C'était Fur Trade et la pièce Voyager. Ouais. Ouais. J'ai trouvé que c'est une Chrysler Voyager. Là, ah ben, c'est ça. C'est genre la petite caravane, là, genre. Ben, c'est des bonnes nouveautés, ça. Oui, ben pour vrai, on a du fun à entendre ces nouveautés-là. C'est comme ça quand le nouveau palmarès arrive à toutes les semaines. Il y en a plus que d'habitude. Je pense qu'il y a une bonne, presque une dizaine de nouvelles entrées. J'en ai compté, je pense, 5 en anglo, 3 en franco, quelque chose comme ça. Ben oui, mais ça fait 8, ça, Mathieu. J'ai vraiment, vraiment, je me suis rappelé de ça en voyant la feuille tantôt, il y a une demi-heure. Fait, je suis quand même pas spécial. Ben, c'est quand même impressionnant. Merci de cacher ta face avec ta feuille. Ça m'aide à faire une meilleure émission. Non, mais j'essaie de confirmer. Et, okay. les petits, à mon âge, là. Lâche les petits oui. Oignons. À ton âge. Il est plus jeune que moi. T'sais, je me sens déjà vieux parce que Stéphanie Paradis me dit tout le temps que je suis vieux. Ah, t'as de l'expérience, c'est pas pareil. Oui, faut dire, oui. Ouais. Faut voir ça comme ça. Hein. Moi, j'ai commencé à m'appeler l'ancêtre. Comme le fromage qui pue. Je suis tout croûté puis je jute du jus blanc partout. Mais je suis bon. Mais je suis bon. Je fais squeak-squeak dans la bouche. Ah oui. Hier, j'en ai acheté. Du fromage squeak-squeak. OK. Hey, écoute, c'est du jus blanc. Tu veux-tu que je te compte ce qui m'est arrivé hier? S'il te plaît. On n'a rien mieux à faire. Écoute, hier, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, je suis passé devant ton bureau, parce que mon bureau, il est plus loin dans le corridor. En regardant le mur de gauche pour pas me croiser le regard, pour pas que je t'empêche de travailler. Ouais, exact. Donc, je passe, puis je fais « Maman, maman! » Mais après ça, il est arrivé quelque chose qui a fait en sorte que je suis pas allé manger! Puis écoute, ça a été ça toute l'après-midi. OK. Puis je suis arrivé chez nous, puis j'ai fait « Hey, c'est vrai, j'ai pas dîné. » C'est vrai, il était rendu comme 3h30 quand il est allé manger, sérieux? Ben, je suis pas allé, parce qu'à 3h... En fait, je suis arrivé à 3h10, okay. Puis là, je voulais aller m'acheter quelque chose à la chasse-galerie, puisque les sandwichs sont quand même très bons. C'est Yves Papaye, délicieux. Oui, puis ceux de... Le panettier, j'ai trouvé délicieux aussi. Miam. Et puis, ben écoute, c'était le avant-cours, parce que les cours à l'université, il y en a d'autres à 3h30. Ouais. Fait qu'il y avait un long line-up de tous les gens qui voulaient du café. Et puis, je me les suis gens dit... qui ont du goût, au moins, ils sont pas chez Tim Hortons. Exactement. Et puis, je me suis dit, je vais attendre un peu plus tard. Puis, ben, le un peu plus tard n'est jamais arrivé. Donc t'as juste soupé à de bonne heure, là? Ben, j'ai soupé à 6h30. Ah, ça... Mais, Jean-Philippe. Entre-temps... J'ai été obligé d'aller m'acheter du Squeak Squeak. Ah, yeah! Je suis allé m'acheter du fromage Squeak Squeak. C'est ça mon lien, en fait. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que quand tu dînes pas, alors que t'animes le matin, c'est que souvent ton déjeuner va être genre à 6h, 6h30. Quand déjeuner il y a, et t'as soupé à 6h30, donc ça fait un vrai gros 12h entre les deux. Mm. C'est pas bon pour la santé, ça. Non, je sais. Mais le fromage, par contre, c'est bon. Oh. Calcium, tu sais. Calcium, ben oui, calcium. C'est super gras, mais calcium. Oui, les gens, c'est dommage que les gens n'en mangent pas plus à chaque jour. Il n'y a pas une annonce que c'est ça. Je sais pas. Ça avait l'air d'un bon conseil de Dr. Charbonneau. Oui! Merci. J'aimerais ça maintenant que tu m'appelles toujours Dr. Charbonneau. Parlant de corridor. Tu disais que tu... Oui, Mathieu Plante. Est-ce que je peux me coucher sur le divan ici dans le studio? Confie-toi, d'accord. Moi. Dans le corridor, hier. et c'est gênant. Mais j'aime ça raconter des histoires où je ris de moi-même. Donc, je vais avouer un grand secret de ma vie. J'essaie un nouveau désodorisant. OK. Il fait pas effet. Je l'aime pas. Je sens mauvais. Fait que si tu trouves que je sens mauvais, c'est à cause de ça. Hier, en sortant de ton bureau, après t'allais te raconter quelque chose pour peu importe la job, je sors et là, je me sens un petit peu dessous de bras dans le corridor parce qu'il y a jamais personne qui passe là. Jamais personne. Une de tes amies tourne le coin exactement au moment où je suis en train de faire ça. Je la regarde, je fais « Hey, salut! » Puis je marche en courant jusqu'à mon bureau. Génial. C'était savoureux. Tu peux pas scripter ces moments-là. C'est awkward à mort. Des fois, je vais la recroiser, ça va être comme « Salut, c'est tout bras! » Oui, au lieu de dire « Salut », tu pourrais dire comme « SL ». Oui! SL! Ah, t'aurais pu dire ça, tu sais. Ah, excuse-moi, c'est parce que j'essèle une nouvelle, un nouveau déo. J'essèle. Oui! Ouais. Bon, ben, c'est pas. C'est dit maintenant. Ben oui. Si vous me croisez, c'est pour ça. Ça se peut que je me sente les aisselles. C'est à peu près ça. On était en nouveauté, en nouvelles entrées du palmarès des deux côtés, du franco et de l'anglo. Et là, on retourne au francophone. On va l'entendre Guillaume Arsenault sur son album Oasis Station Service. Oui, puis il va faire comme toi avec ton nouveau déo. Il va partir au combat. Je pars au combat. Oh wow. C'est un peu trop littéral comme description. C'est vraiment exactement le nom de la pièce. Je pars au combat. Tout bras! J'essaie de faire des bons gags. J'essaie. Moi, je te détruis à chaque fois. Pa, pa, pa, pa, pa. Je pars au combat. Ah, voilà. C'est ce que je me dis chaque matin. C'est du feu ennemi. Feu, friendly fire. Oui. Bon. Ah. Je pars au combat, la vie est un combat.

Thank you. Cult, c'est la pièce Always Forever, précédée de Casket Girls avec Holding You Back. Et on a débuté avec Mauve et la pièce Montréal. C'était dans le bloc de la carte postale musicale de Simon Fitzbé qu'on retrouve toutes les fois qu'on le retrouve, c'est-à-dire une fois de temps en temps. C'est fou, Assemblage Rocky. Comme ça, en parcimonie. C'est ça, on ne va pas avoir de cas d'horaire pour lui, mais c'est la beauté de la chose. Quand on a quelqu'un qui ne se présente pas, on peut le remplacer facilement. Oui, grâce à Simon. C'est génial. Merci Simon Fitzbé. Et écoutez-le à Album Classique les vendredis matin à 10h. Et ensuite, dans les éphémérides du rock et de rock classique avec Alain Lefebvre, c'est à 11h, toujours le vendredi. Voilà. Voilà. On prend une pause, on revient avec Anne-Julie Durocher et sa chronique L'Index. Restez là. CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis. En ce mardi 12 novembre 2013, il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Mm-hmm. Et puis, tiens, on va passer un bon petit moment, comme toutes les semaines, les mardis, à se salir l'index. À quoi? À se salir l'index en brassant un peu son café. Quand tu oublies ton petit bâton pour brasser son café, tu te salis l'index en... Je dis ça parce que à Julie, quand t'es rentré dans le local, dans le studio, elle a vu mes fesses parce que j'étais penché devant l'ordi. Drôle de lien, là. Oui, ouais. Là. Brasser café avec un doigt. C'est ça. Fesses index. C'est ça. Faites ce que vous voulez avec ça. Voici l'index. Et encore une fois, on n'a pas ta chanson thème, donc on se fait un petit remix. Wiki wiki! J'attends la mention de l'index. Ça sent bien. Bref, salut Julie Durocher. Ben, bon matin. Ça va bien. Ben oui, vous-même. On va bien, on est en forme, quoi. Ça va bien, malgré l'intro. Là, c'est d'habitude, une intro, ça commence bien une chronique, là, mais bon. Ah, bon. Tiens. Voilà, c'est l'index. C'est là. Donc, Julie, tu viens nous voir à chaque semaine pour parler de quelque chose qui t'a marqué pendant la semaine, que ce soit positivement ou négativement. C'est ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de jeux de société. Yeah! Oh! Parce que c'est bientôt l'hiver. Ça, c'est ben positif. Oui. Ben oui, mais tu sais, première neige, jeux de société. Chocolat chaud. Ben oui, ouais. Mais je vous en parlerai pas. Pas de chocolat pas chaud. Pas de chocolat chaud. La semaine prochaine. Non, j'aime pas les chocolats chauds, fait qu'on peut régler ça maintenant. OK. Je n'aime pas les chocolats chauds, c'est je fait. Ne vous en parlerai pas. C'est triste un peu, je trouve. Vivre sans chocolat chaud. Hein? Toi avec guimauve, Mathieu? Oui, avec guimauve. Et un petit peu de cacao et de cannelle. Tout ensemble. Wow. Une giblotte. C'est beaucoup trop sucré, je trouve, du chocolat chaud. Ça me lève un peu le cœur. D'accord. J'ai l'impression de prendre comme une gorgée de sucre. Mocha. Moi, c'est des mochas à la place. Ouais, déjà. Ouais. Mais bref, jeux de société aujourd'hui. Lesquels? Est-ce qu'on fait un top? C'est quoi? Est-ce que tu me parles de tes préférés? Ben, je vous parle des préférés de ma coloc et moi. Mais j'ai fait une sélection parmi ceux de ma coloc parce que je n'aimais pas toutes. T'sais. Ah! Droit de veto. Oui. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est des jeux de société. En fait, là, c'est différents styles de jeux de société qui vont se prêter à différentes circonstances et que vous pourrez jouer avec les membres de votre famille pendant le temps des fêtes. Yeah. Quand vous allez avoir du temps après la fin de la session. Super. Fait que le premier, c'est quelques arpents de piège ou Trivial Pursuit. Là. Ça, c'est dur! Mieux connu sous ce nom. Le jeu de questions sur la connaissance générale. Oui, il y en a des toughs. Mais c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs versions. Là. C'est sûr que si tu prends celle des années 80, en effet, c'est excessivement difficile. Il y a beaucoup de questions sur le baseball en plus. Ah oui, hein? Dans ce jeu-là, oubliez ça. En tout cas, à moins d'être vraiment comme fanatique de baseball, c'est vraiment difficile. Il y a plusieurs versions. Il y a une version juste pour le Québec, des versions plus générales, des versions années 90, des versions juniors pour toi, Mathieu. Merci. oui. Si tu préfères. Pour ceux qui n'ont aucune connaissance générale. C'est ça, c'est un jeu. Vous pouvez jouer juste à vous poser les questions. Là. Il y a comme 5 catégories, si je ne me trompe pas. Juste à vous poser les questions si ça ne vous tente pas de sortir la planche de jeu et tout ça. Mais ce que j'ai été surprise, c'est que c'est un jeu québécois. Hein, à la base? Ben oui. Hein, tu dois, j'en fais. C'est ça, c'est un jeu québécois de 1979 qui a été popularisé, puis c'est le troisième jeu le plus vendu. Ça m'impressionne que ce soit vraiment le troisième jeu le plus vendu parce que c'est tellement, comme je disais, difficile que je pensais que les gens n'iraient pas graviter vers ces jeux de cerveau-là. Mm-hmm. Mais il y a tellement de versions. Oui, c'est ça. Ça englobe tellement de... Ouais, t'as raison. Je pense que justement, c'est avec le nombre de versions qui sont devenues aussi populaires. Le deuxième jeu, on change complètement de registre. On y va avec un jeu plus d'action. Jungle Speed. Ah oui, je connais pas. Oui, c'est le fun, ça. C'est un jeu, en fait, là, t'as des cartes. En fait, là, c'est. Ça utilise pas mal toutes tes facultés, autant ta vitesse physique, mentale, ta mémoire et ta force. Ta force. Tu peux te battre. Oui. En fait, t'as des cartes, puis là, si t'as la même carte en même temps, là, en tout cas, c'est un jeu de vitesse, la même carte qu'un de tes camarades de jeu, faut que tu prennes le totem qui est au milieu de la table. Fait que faut que tu passes tout ça super vite, puis là, ben, des fois, le totem, il revole. Fait que là, faut que tu cours pour aller chercher le totem. Puis des fois, faut que tu tires parce que l'autre a pris le totem, puis bref. C'est un jeu vraiment d'adresse, de vitesse, de mémoire et de... actif, là. Mm-hmm. Jungle Speed. Ouais. Jungle Speed. Ça a l'air cool. Oui, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment le fun. Jeu créé en 1996, jeu américain. Okay. Beaucoup de jeux, là. Il n'y a pas de titre en français, genre Rapidité de la jungle. Ben, peut-être, mais personne ne connaît ce nom-là, ça fait que ça va être Jungle Speed. ensuite, en troisième, un classique, le Monopoly. Ah! Je connais pas, non. comme j'ai dit, bon, c'est un classique. Il y a plusieurs versions du jeu Monopoly. Des versions, je pense, aussi, là, maintenant, elles sont rendues informatisées. Là, t'as comme une carte de crédit au lieu d'avoir de l'argent. Ça dénature le jeu, ça, complètement, non? Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Ouais. J'étais vraiment pas convaincu. Puis j'ai joué 2, 3, 4 semaines. Puis, en fait, je trouve ça vraiment le fun si tu penses jouer très longtemps, comme étendu sur plusieurs jours. Parce que ça retient où t'es rendu. Exactement. Tout ce que t'as à faire, c'est garder ta carte. Puis, dans le portefeuille. Ouais. Cool. Tout simplement. Là, tu sens, t'as une carte de crédit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. T'as plein de propriétés, plein de choses. Là. Mais c'est de la fiction. Tu vis dans le déni. Puis il y a même des jeux comme rapides là, aussi. Là, c'est, t'as pas besoin de planche de jeu, puis... C'est des cartes, puis t'as déjà le montant, puis là, t'échanges tes cartes avec les autres. Il y a vraiment plein de versions de Monopoly. Il y a même la version McDo de Monopoly. Oui. Tu joues avec des mecs croquettes à la place, à la place des pions. En fait, ils te font acheter, puis ils te disent, t'as une chance de gagner, je sais plus combien. Ah, c'est comme le vrai Monopoly au McDo, t'as mais aucune chance. OK, c'est ben ça oui. Je dis. Oui. Ah, OK. Ah, ah OK, oui. Oui. Okay. Je viens de la comprendre. Mm. OK, je change mon Big Mac pour un double Big Mac. Quand tu vas tomber dessus, ça va être. Non? Non. Comme un hôtel. Okay. Oh. C'est un jeu américain 1935, pour votre information. mais ça doit être le jeu le plus vendu. Ça c'est ça, c'est le jeu le plus vendu? À peu près qualité avec Scrabble. Mais là, je me souviens plus c'est lequel le premier. Plus. Okay. Mais c'est comme les deux, puis après ça, Trivial. OK, mais c'est le jeu où les gens suivent le moins les règles, je pense. Moi, pour vrai, là, je suis pas les règles à Monopoly. Personne suit ça. Est-ce que vous avez le droit de tricher, vous, dans vos jeux de société? Si tu le dis pas. Ouais, c'est ça. Si tu le dis pas, si tu triches pas. Non, mais des fois, nous, on commence des games, puis on se dit, OK, celle-là, on a le droit de tricher. Puis, mais le but, là, c'est vraiment pas de se faire pogner. C'est comme un freebie, genre. Ouais. Petit freebie. Ouais, ouais. On faisait ça quand j'étais jeune. Génial. Puis tout à coup, tu prends genre de la banque. L'important, c'est juste que tu te fasses pas pogner, mais tout le monde le sait quand t'as le droit de tricher. Okay. Fait que tout le monde est attentif. Tout le monde se surveille, c'est ça. Mmh. Challenge. Ouais, mais ça, c'est un autre défi, là. C'est un autre step. Ouais, j'aime ça. Ça peut être intéressant. Sinon, un autre classique de votre enfance, en fait, je suis pas mal certaine, le Uno. Ah oui, ça fait longtemps, oui. Mais c'est ça, fait que nous autres, on trouve ça bien le fun dans notre appart, jouer au Uno, parce que tu peux comme faire parler en même temps. En fait, c'est ça qui est agréable, tu prends une bière, tu prends un café avec des amis, puis tu joues à un jeu de société, puis ça fait comme passer le temps, mais tu t'en rends pas compte que tu joues, parce que les règles, tout le monde les connaît, c'est super simple. Puis ben, ça met de l'action. Puis nous autres, notre partie de jeu préférée, c'est parce que ma coloc est vraiment mauvaise perdante. J'ai jamais vu quelqu'un autant mauvaise perdante et autant mauvaise gagnante. c'est, elle a vraiment comme un cri de joie quand elle te fait perdre. Tu veux juste pas jouer avec. Non, c'est ça. C'est désagréable. Fait que notre but, c'est tout le temps de la faire perdre. Donc, c'est comme... Excuse-moi. On la nommera pas. Il y a quand même du monde qui la connaisse. Donc, c'est ça. Fait que le Uno, puis si vous n'avez pas de jeu Uno, vous pouvez jouer avec un paquet de cartes. Ça s'appelle le 8, tu sais. Ouais, hein. C'est vrai. C'est pas si cute. Non, mais c'est tellement aussi simple. Ouais. T'as même pas besoin du vrai jeu, tu sais. Puis bon, c'est un jeu américain basé sur le 8. En fait, là, c'est un moyen de faire de l'argent, là, on va s'entendre. Tu mets des dessins sur des cartes normales. C'est ça. Puis ça date de 1971, ça fait que c'est pas récent quand même, là, pour, comme jeu. Ensuite, c'est un nouveau jeu que j'ai joué en fin de semaine. Ça s'appelle Esquisser. Comme dans le dessin Esquisser, là, un esquisse. Ouais, dans Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait? Ça aurait pu être... Beau jeu de mots. Ouais, en plus, ça marche avec le jeu. C'est peut-être voulu? Eh oui. Je pense que oui. C'est comme le QS nouvelle génération. Est-ce qu'il sait? Ouais. Fait que je vais vous expliquer le jeu. Oui. Vous avez une petite planche avec huit... ben, en fait, c'est pas une planche, c'est un cahier. Puis il y a comme huit feuilles dessus. Puis là, vous pigez un mot. Puis là, entre vous lancez le dé, bref, il y a des règles. Puis bref, vous avez un mot à dessiner. Exemple, j'aurais toile d'araignée. Fait que là, je dessine une toile d'araignée. Puis là, la deuxième personne, pour ça, je passe mon petit cahier, puis t'as du temps, elle doit écrire le mot qu'elle pense que c'est le dessin. Après ça, on passe, puis là, ça passe de personne en personne. Puis là, chaque fois, c'est dessin, mot, ça ressemble beaucoup au téléphone. Ah, ça se défait avec le temps. Oui, genre. C'est ça, mais c'est excessivement drôle. Hey, j'aime bien donc ça comme concept. Ouais, hein? C'est vraiment, vraiment, vraiment fun. C'est super simple. On s'entend que justement, aussi, c'est un autre jeu que t'as pas besoin de jeu. Là. Prends une feuille de papier, puis un cahier. Fais des mots. Puis ouais. Fais-les. Là. Ouais. Fait que c'est bien le fun. C'est un nouveau jeu que j'ai découvert. Esquisser. Ouais. Mettons, t'as-tu un exemple de comment ça a commencé puis comment ça a fini? Dans une partie de jeu. Dans une partie. Ben, en fait, le jeu est en anglais. Puis moi, j'ai pigé justement Spiderweb, mais je savais pas c'était quoi. Moi, dans ma tête, c'était comme quelque chose qui avait rapport avec Internet. Je savais pas que c'était une toile d'araignée. Ah. Fait que j'ai dessiné un araignée avec un écran d'ordinateur. Et ça finit comme aucun rapport. Là, je me suis dit, c'est quoi, mais comme... Surtout, c'est ça qui est encore plus drôle quand tu parles d'expression anglaise. Puis... Ça dérive. Ça peut devenir français quasiment avec le temps, genre. Est-ce que quelqu'un va prendre l'initiative de traduire un mot? Des fois, le monde traduit aussi, fait que c'est ça aussi qui est drôle. Puis, mais le meilleur, on avait danseuse de baladie. Ça finit, bord de danseuse. Quand tu montes vers Chaoui, c'est à 55. C'est précis. Wow. Ça finit avec Normand Lamour, poignée de porte. Oui, c'est ça. Ça finit plus. Non, c'est ça. Fait que, bref, mais l'affaire, c'est que le bord de danseuse, c'est à 55. Ça part quand même la moitié, puis on a maintenu ça parce que tout le monde l'identifiait. Mais c'était quand même drôle. Oui. Ah, c'est le fun comme jeu. Oui. Fait que vous irez vous acheter ça, vous demanderez ça pour Noël. Oui. Ensuite, en sixième, c'est un jeu vraiment aussi très, très simple, mais les mimes. Puis il y a des comme différentes variantes des mimes. Okay. Il y a le mime classique, là, tu ris un peu. Mais il y a les mimes beaucoup plus hautes qui se font en trois tours. Le premier tour, faut que tu fasses deviner le mot que tu as pigé. Là, exemple, je sais pas, là, Céline Dion, en un mot. À ton équipe. Deuxième tour, c'est avec un son. Puis troisième tour, c'est le mime. Fait que ça devient drôle, puis tu joues tout le temps avec les mêmes mots. Fait que là, souvent, ben, tu finis par avoir des inside entre tes coéquipiers et tout ça. Fait que c'est une autre variante du mime qui est relativement simple. Et dans le temps des fêtes avec les membres de la famille, ça peut être relativement drôle. De l'alcool. Ouais. Ouais. Je vais pas le dire, mais ouais. Mettons. Ouais. La crème de menthe. Oh oui. On l'a pas pensé avec Angélie ce matin. On lui propose des affaires à manger et à boire qu'elle aime. Non, c'est vrai. Chocolat chaud. Ouais. Non, chocolat chaud crème d'amande. Nous, on joue à ça, mais ça s'appelle la boulette. Puis, tu sais, c'est vraiment le même principe. Là, mettons, on jouerait les trois. Là, ben, chacun écrirait, mettons, trois, quatre noms qu'on connaît. Faut au moins que deux personnes le ou la connaissent. Mais des vraies personnes, pas des artistes. Ça pourrait être n'importe qui. Okay. N'importe qui. Ça pourrait être quelqu'un qui est décédé, un personnage de bande dessinée, mettons, un personnage de film. Quelqu'un de l'OGE. Oui, ouais, ben, c'est ça, c'est quelqu'un en tant que tel. Donc, on l'écrit. C'est quelqu'un en tant que tel. Ça, c'est physiquement quelqu'un. Sont-ils vraiment des humains? Oui. Donc, on l'écrit, tu mets une petite boulette, puis c'est vraiment le même principe, sauf que les règles faire un peu. Le premier, tu as le droit de dire n'importe quoi, il me semble. Okay. Puis après ça, tu remets tout le temps les boulettes dans le bol au milieu, à chacun des trois tours. Puis après ça, c'est ça, le deuxième tour, c'est un mot. Puis le troisième, c'est juste un mime. Fait que, donc, c'est un peu le même principe, là, mais c'est vraiment le fun. Hey, t'as juste besoin d'un papier et un crayon. Puis... facile. T'es parti pour la veiller. Puis c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle, ce jeu-là. Ça fait différent, tu sais. Ouais. Puis finalement, le sixième jeu qui est un jeu de plus grande envergure, si on veut, c'est Loup-garou, qui est un jeu de rôle, si on veut. En fait, chaque joueur va incarner un villageois ou un loup-garou selon la carte qui lui est attribuée au hasard et que personne ne sait. Et donc, le but, c'est de pour en fait les villageois de démasquer les loups-garous et les loups-garous d'éliminer tous les villageois, là. Ce qui fait un peu de sens. Puis, en fait, il y a certains personnages qui peuvent avoir des pouvoirs là, quand on est rendu assez bon puis qu'on a assez de monde. C'est un jeu qui a été créé en 2001. Ça varie de 8 à 18 joueurs, mais je pense que c'est assez variable. J'ai déjà joué avec moins de 8 personnes puis plus que 18. Là. C'est les règles qu'eux disent, mais laissez-vous aller. C'est vraiment le fun si t'as le goût de t'ostiner avec le monde. Qui n'aime pas ça? C'est vraiment, vraiment drôle. Puis, tu sais, justement, ça, mettons, moi, je joue souvent, mon frère est là. Puis, tu sais, mon frère et moi, on s'accueille tout le temps parce qu'on est frères et sœurs. Fait que, on se fait tout le temps, c'est qui va éliminer l'autre en premier. Mais, c'est aussi, faut que tu sois capable de réfléchir, de penser qu'est-ce que tu peux identifier, les arguments, développer un argumentaire, puis tout ça. Fait que c'est un jeu qui est très intéressant, qui peut mener à des conflits de famille. Fait que soyez quand même fin. Puis développer des stratégies puis tout ça. Puis bon, ben, c'est un jeu de plus grande envergure si on veut. Mais c'est un jeu aussi qu'on n'est pas obligé de se procurer parce que ça joue très bien avec un jeu de cartes. Tu dis que telle carte, ça l'équivaut à des villageois, les autres à des loups-garous. Fait que c'est aussi un jeu qui s'émite très bien sans investissement par un paquet de cartes. Très bonne idée. Moi, ça me pop comme ça dans la tête. Là. Ça serait une bonne idée. Tu sais, à la place d'un club vidéo ou un club de jeux vidéo où tu loues des jeux vidéo, tu pourrais jouer louer des jeux de société. Ça se fait-tu, ça? Mais il y a des bars qui font ça. Des bars? À Montréal. OK. T'as vraiment un bar puis t'as comme un salon de jeu. Tu prends ton jeu, tu joues puis en bouffant une bière. Ben, vraiment cool. C'est vraiment un beau concept, ça. Oui, c'est vraiment très cool. Ouais. Il n'y a pas ça à Trois-Rivières. Non. Il n'y a pas ça à Trois-Rivières. Mais de toute façon, même s'il y avait ça à Trois-Rivières, ça durerait deux mois puis ça fermerait. Fait. Oh. Hein? C'est pas vrai. Mais c'est bien. Non, mais tu peux garder le concept du bar, mais en plus, t'as comme 10 jeux de société. Ouais. Le top 10 des jeux les plus vendus. Ouais. Puis moi, je t'en ai proposé 7. C'est ça. Ouais. Le dernier, c'est le Loup-garou, pour ceux qui se demandent. Ouais. Le nom, c'est le Loup-garou. Et tu nous en as fait presque une dizaine, genre. Donc, c'était super cool, 6, 7, 8, en tout cas, 7, vrai. 7. 7 jeux. C'est pas un par jour de la semaine. Oh, ah, oui, c'est bon. OK. Celui où t'es le plus sous, ça va être le jour où t'es le plus sous. Complètement, ouais, celui de famille, ça va être le dimanche. Samedi. Quel jour que tu te saoules? Samedi. Ça? Ben, ça dépend des gens, là. Ça dépend des gens, oui. Ouais. Il n'y a pas de règles préétablies, genre, saoule-toi en famille le samedi. J'essaie de suivre les règles comme des jeux de société, moi. Je suis le même. OK. Mais tu nous établiras une liste un de horaire. Règles. Oui, c'est ça. De quand t'as le droit de te saouler avec qui. Parfait. Puis on respectera ça. Parfait. Puis quand tu passes dimanche, est-ce que tu récoltes 200$? Dimanche. Pour acheter plus d'alcool pour la semaine. Ah ben là, tu fais ce que tu veux. Là. Ah. Ben c'est nous autres qui écrivons les règles. Voilà. Anne-Julie Durocher, à la semaine prochaine, mardi à 8h30. Ça me plaît, ça. Yes. Dans quelques minutes, ce sera Mathieu Roy et sa chronique de la GEQTR. Mais pour l'instant, on écoute. On est dans le dossier de Jace Bench 400 livres depuis qu'on n'a pas la chanson thème d'Anne-Julie. Donc on s'en va écouter leur chanson Danser, Madame Danser, tout de suite sur C'est fou. Tout, bière gratuite. OK, on raconte l'inside, on n'a pas le choix. Je suis Antoine Rioux qui était absent plutôt pour sa chronique Truc assez succulaire. J'ai écrit pendant l'émission sur Facebook, j'ai dit « Nous aurais-tu oublié ce matin? » Il dit « Ah oui, je vous donne une bière, les gars. » OK, on a une bière gratuite. Yes! je le vois arriver, Mathieu Roy va être là dans quelques secondes avec sa chronique. Mais avant ça, je pense qu'on va... Moi, j'avais comme pas préparé de chanson. Je vais vous la préparer live, là. Ça prend du... On prépare ça, là. Prépare-moi une chanson. Je pense une nouvelle entrée de nos amis de Braids, Jean-Philippe, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et puis, c'est une nouvelle entrée, comme tu viens de dire. Puis, c'est In Kind. In Kind, tu me mens pas, là? Non, don't lie. 7, 8, 9, 10. La 10e du CD, genre. Super professionnel. Ah, Mathieu, j'aurais dû te dire que c'était la 10e. Je m'excuse. Tu savais ça? Non. C'est pas écrit ça à la feuille. Non. Tu inventes des choses, tu inventes tes propres règles. Comme les jeux de société. Ben oui. On est quoi si on n'est pas une société? Un microcosme, un micro-environnement, comme un terrarium dans le studio de C'est Fou. Oui. Après ça, ben, une petite bête bien fine de la GS1. T'es-tu bien dans le spa, Mathieu? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, tu trouves pas que ça fait relaxant? Oui, tu voudrais faire des bulles dans ta bière gratuite. C'est aucunement drôle, Jean-Philippe Arrin. Aucunement. Je pleure, Mathieu. C'est pas des rires. Tu dois le fatiguer en tabarnouche. C'était une nouvelle entrée de la formation Braid. On vient d'entendre In Kind sur leur album Flourish Perish. Non, ça, je pense que c'est l'étiquette. Non, c'est bien Flourish Perish. Voilà. Super préparé cette pièce. Beaucoup trop longue de 6 minutes, mais on l'a aimé. Elle était très bonne, mais c'est long. C'est une longue pièce. C'est long. Oui. T'sais, maintenant, on va recevoir notre ami Mathieu Roy de la GEQTR qui est là avec un petit délai quand même, mais toujours appréciable. Non dû à une chanson trop longue. Certainement pas, sinon. T'sais. Donc voici la chronique de la GEQTR. AGEQTR, AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Salut Mathieu Roy. Alors, bienvenue dans le hood de Trois-Rivières, situé au coin de Desforges et des Récollets. Le ghetto, là, vraiment le profond. Ghetto, là. On est tellement underground qu'on s'ouvre un ghetto. Mais je tiens à préciser que j'étais arrivé au début de la chanson, c'est donc j'étais en retard, mais pas tant que ça. T'avais parce que juste si vous prenez en 5 minutes. Ouais. T'as raison. Il était un petit pétard. Un petit pétard. C'est quoi la blague du pétard, là? Je l'ai faite. Ben, il était un petit pétard. Il était un petit pétard. Puis, il était un petit pétard. Check ça. Un pétard. Un pétard. Un pétard. Tu me trouves beau bonhomme. C'est ça. Un tétard. N'ayons pas peur des mots. Un tétard. Un pétard. Un tartare. Non. Un fêtard. Arrête, c'est pas ça mon gag. Un barbare. Hein? Donc, tu nuis à son gag, là. Il ne sera jamais perçu là, à sa juste valeur. Non. C'est-à-dire. Je sais pas, c'est quoi votre échelle? 1,39 quand même avec valeur. C'est une échelle de Jean-Philippe à 10. Jean-Philippe à 10? De Jean-Philippe à Mathieu. Mais c'est pas précisé, ça peut être mes blagues aussi qui sont dans le top 10. Là. Mm-hmm. Oh. Donc, Mathieu Roy, président, directeur général, fondateur de la GEQTR. Et aussi, grand ambassadeur. J'ai été invité pour justement aller recruter des gens au Brésil. Ah! Ouais, ouais. C'est bon, un A en cœur, hein? Oui. Ah! Tout le monde est là, genre, ah, on y va au Brésil pour là, j'ai. Oui, j'ai cherché des noix du Brésil. Brazil nuts. Brazil nuts. Brazil nuts. Non, non, sans blague, j'ai pas de grand voyage prévu. Je prévois un aller-retour chez moi ce soir. Oh, OK. En covoiturage, bien sûr, pour ouais. Ça. Tu... Ouais, ben ça va être une longue soirée ce soir, vous savez pourquoi? Je sais pas. Vous ne savez pas? Ah, je joue le jeu. Ah oui, on sait pas, on était à radio, on sait pas ça. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Est-ce que ça commencerait vers 5 heures? Ouais. OK. Ah, ça finirait vers? 7 heures. Ça, c'est l'heure optionnelle. Officielle. Ça, c'est une option. Là. Oui. C'est qu'en théorie, l'animation se termine à 7. Les discussions, elles, se terminent 10 heures habituellement quand le karaoké commence. OK. Oui. Parce que là, à ce moment-là, la discussion n'a plus vraiment sa place parce qu'on est trop en extase devant les performances vocales des artistes que l'on accueille ce soir. On a une délégation, d'ailleurs, vraiment qui vient de loin. L'autre bord du boulevard des Récollets. Quand même, quand même. À côté, faut traverser tout le campus pour les trouver quand même. Voilà. Puis ils viennent jusqu'ici là, pour vous donner des performances live. Fait qu'il faudrait pas manquer ça. C'est une chance que vous avez, là. C'est là. Carpe diem, YOLO. Carpe diem, mais là, karaoké à 10 heures, mais avec tout ça, qu'est-ce qu'il y a avant? Ouais, mettons. Ouais, le 5 à 7. Le 5 à 7 va servir à faire le dévoilement de la thématique et le lancement subtil des petites thématiques pour les associations pour le carnaval étudiant. Wow! 2014? Ouais. Le carnaval étudiant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'activité par excellence de l'Université de Trois-Rivières. Une semaine complète d'activités où il y a de la musique, une participation de CFO également, toujours pour un défi ou deux. Un petit quiz, là, genre musical. Ouais, ouais. Ouais, il y a ça. Il y a des shows humoristiques. C'est-à-dire, tu sais, juste un peu en haut du 1 ou 2 de Jean-Philippe Charbonneau. Il est capable d'avoir des shows d'humour qui vont rentrer entre le range de genre 3 à, mettons, je vous dirais 8. Oh, quand ça même. S'approche de moi, ça, là. Ouais, c'est ça, mais c'est des professionnels. C'est ça. Fait que moi, je suis quoi là-dedans? C'est un super professional. Un super saiyan du rire. C'est ça. Un amateur super professionnel. Oh, wow. Oh. Moi, c'est une manque que je te perçois. Ça n'est pas rien. C'est un... ASP. Oui, je pense un ASP. J'étais sûr que ça faisait SPM. Super mâle professionnel. Ouais. SMP. Un simple d'esprit. SMP, c'est vrai, ça marche pas. Bon. Moi, je suis encore à 1-2. Hein, c'est ça. Moi, j'ai l'excuse. Mais facile. T'as un bac, par exemple. Bien vu. Ouais, ouais. Ma vengeance sera terrible. Il passe aux 2 semaines à cette heure aussi, les bacs. Hein. Non. N'encouragez pas ce genre de blague. Ça, c'est du calibre GP. Oui. C'est ça. À chacun son range. C'est la possibilité qu'on peut atteindre. On connaît notre domaine. C'est que si on fait le même genre de blague, c'est quoi l'intérêt d'avoir deux co-animateurs le matin? Ah, c'est ça. T'as qu'à ça, on va être seul. Ouais, non, j'avoue. Ben, juste l'interrelation que vous réussissez à avoir permet l'exposition d'un show d'une telle excellence et recevoir des chroniqueurs qui sont vraiment au plus haut niveau de la société. Là. C'est vrai que ça donne envie d'expulser quelque chose. Encore une blague, tu vois, du niveau de GP. De ce bord-là de la table. Hey, c'est pas moi qui ai fait un bruit de... qui dit que ça venait de lui? Ah! Je veux la reprise! Appel Toronto. Oh. Mais plus précisément, c'est vraiment le dévoilement de la grande thématique, parce qu'il y a la thématique générale, puis ensuite, il y a le thème de chacune des associations. Bien sûr, elles sont toutes invitées à venir participer à l'événement pour savoir quelle sera leur thématique et peut-être même se préparer dès demain, parce qu'il y a certaines épreuves qui sont régulières, d'autres le sont un peu moins. La programmation exacte va sortir un peu plus tard. Et on sait que les carnavals, c'est genre à l'hiver, donc c'est en janvier, je pense. Pas la troisième semaine. Mais les assos qui veulent gagner commencent à se préparer à partir de novembre. C'est ça. Mmh. Leur setup est déjà fait, habituellement. Cool. Ils partent c'est avant les examens de fin de session. Oui. Ils travaillent plus là-dessus que sur leurs examens. Ouais. Ben, les priorités à bonne place, ben oui. Oui, ben c'est comme le carnaval est un débouché pour les jeunes récréos. Oui. Des pins envers les jeunes récréos comme JP, ça se fait facilement. Hein. C'est facile. Ben, je visais JP, mais tu sais, malheureusement, j'en ai attaqué quelques autres. Mais nous, au moins, c'est ça, parce que contrairement à une histoire, au moins, on a des débouchés, tu sais. Ah! Ben, disons, ça serait dur d'avoir des débouchés parce que ça fait partie du futur. Oh. T'es en quoi, toi? Histoire. Ok, il semblait aussi. Parce qu'on est historien. Parce qu'on est historien. Parce qu'on vient de loin. Ah. Parce que le futur. Ah. Parce qu'on est historien. Aïe, aïe, je la trouve tellement bonne. Écoutez, je vous laisse parler. Moi, je vais la rire. Puis je dans laisse ton finir. Coin. Une blague de Rince-Bouche aussi, genre l'historien, l'historienne. Ouais. Mais je sais pas, on dirait que ça a pas atteint un niveau du monde chez moi. Non, c'est ça. Ça t'atteint même pas, tellement que t'es par balle, genre. C'est comme genre, par gag, genre. J'ai par gag. T'as mis sa veste bleue par gag. Oui! Titre de l'épisode. Aïe, on est reparti pour 15 minutes. Je pense que oui, ben à date, Alexandre est parmi. Ben moi, c'est l'enfer, là. Tu m'épuises, Mathieu. Là, à cause de toi, mes mardis, là, après ça, je suis épuisé. Tu dis ça sur un ton tellement confident. Ah oui. On se demande si c'est vraiment radio que t'as dit ça. Oui, c'est ça. Ah, tu m'épuises. On est en onde. Oups. Oh. On sait jamais. Tout le temps des reprises. On sait jamais quand on est live. Mathieu, Mathieu Roy, quand t'es avec nous, on pourrait peut-être animer genre dans quelque chose qui bouge. Tu sais, comme un train. Ah, ça, c'est déjà pris. Attends, on pourrait prendre un wagon. Un wagon. Mais l'animal. Un wagon. Un wagon. Un wagon. Un wagon. Mathieu Roy, un wagon. Ouais, come on, un peu. Ok, on applaudit plus fort. Okay. Ouais. Cette émission déraille tout le temps le mardi. Wagon déraillé. Oui, ho! C'est drôle juste pour nous autres. Bon, ok, on va faire un passage à niveau, là. On va augmenter le niveau, oui. C'est drôle. Merci. Mais l'été dernier, j'avais une petite chronique qui était plutôt maritime. Peux-tu me rappeler le... C'était sur les bateaux, là? Ouais, mais je veux dire, ton émission, Antoine. À Assemblage requis, la vie de croisière d'Assemblage requis. Ouais, la vie de croisière d'Assemblage requis. C'était beaucoup plus facile pour moi, vu que c'était l'après-midi. Ouais. C'est vrai, ça, c'était entre 2 et 6. Ouais, ça m'aidait grandement. Il riait moins pour rien. Je suis pas un très grand matinal, mais j'adore venir à l'émission, donc je fais le sacrifice de me lever le matin. C'est quand même ironique pour nous autres. Si on s'appelle Mathieu, il y a Matt dedans, on n'est pas matinal. Ni l'un ni l'autre. Mm. Il y a jamais le matin, je suis pas matinal pendant. Que dire de plus, ça tombe à plat, ça. Ça tombe à plat. Anecdote. Ouais. Tranche de vie! Et ensuite... C'est un malaise, excuse, il fallait faire un malaise. Oh, on est laisse le passer. On laisse on regarde le malaise de gauche à droite, attention. Moi, j'ai pas le même gauche à droite. Okay. Mathieu s'est trompé dans son gauche à droite. Personne le voit, on est à la radio. C'est vrai. Ah. Et on n'est pas webcam diffusé. Une chance. Donc, on verrait les petits JP le matin. Salut. On disait que le dévoilement du thème du carnaval, c'est ce soir. Donc, on est mardi, 5 à 7, Chasse-Galerie. Gratuit. Sentiment d'appartenance, oui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Demain, rapidement, Rallye des assos. Mercredi. Ouais, fait que ça, vous êtes les bienvenus également. On dira pas... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on dit pas? Moi, j'ai pas entendu. Secret. J'ai des écouteurs sur l'oreille. Secret. Je fais des affaires à l'oreille, j'ai des écouteurs. Ouais. Et sinon, ensuite, la semaine prochaine, je me rappelle pas la date exacte, mais il y a la fureur. On s'est trouvé une Véronique Cloutier amateur. Oui! En la personne de Marie-Laurence Audet, on va y peindre des freckles un peu. Ah, cool! Ah, wow. Chroniqueuse ici, les mardis aux deux semaines. Oui, Marie-Laurence. Oui. On l'aime bien. Mais ça va être elle qui va animer avec la participation de notre VP Asso, Michael Magny. Qui anime les mâles honnêtes les mardis juste après nous à 10h. C'est vrai? Plug, hein? Plug haut, là. Oui. J'avoue que son émission, j'ai pas encore écouté une fois, je sais même pas de quoi qu'il parle. Et à chaque fois, il m'en parle, il me dit t'as pas. Puis la seule question que j'y pose, c'est t'as-tu vraiment passé une heure là-dessus? Puis il me dit ouais. Une émission de débat. Oui, gros débat viril. Oui. Oh, ouais, les mâles qui sont honnêtes ou yes. Les malhonnêtes. Ah, c'est le mot oh. De jeu. À vous de voir. À nous saisir. Oui. Surtout. Bref, ce serait pas mal ça. Je sais bon. Que vous avez une prochaine personne qui voudrait se joindre avec vous au studio, donc... On a eu assez de fun avec toi, c'est ouais, assez. Ouais, ouais, ben c'est ça. Faut que je me garde du stock pour la semaine prochaine, parce que, tu sais, vous voulez pas, j'ai mon gros listing que je prépare à chaque fois que j'amène. T'as-tu vraiment passé une heure là-dessus? Non, clairement pas. Définis une heure. Oui, ça définis heure. Tout est relatif. Là. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Là. Je passe tout le temps de temps au bureau. Fait qui dit que je prépare pas? Ou... Qui dit quoi, tu sais? Oh, oui. Qui dit, t'aurais pu aussi finir Call of Assassin's Creed 4 Call of hier Assassin. Matin. Call of Assassin's Creed. Oui. Medal ouais. Of Honor, Creed. Oui. Mais je tiens à dire que maintenant j'ai un look intello, j'ai reçu un foulard. Fait que je tenais à vous dire que mon look a été modifié. Donc, pour okay. Les gens qui me reconnaissent dans la rue maintenant, j'ai un item ajouté, c'est le foulard. Oui. Donc, un plus-value. Oui, un plus-value. Oui. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, à la place d'avoir un rap pour débuter ta chronique, ça va être un poème slamé. Donc, on attend ça la semaine prochaine, un poème slamé pour ouvrir la chronique de la GQTR. Mais génial. Si je ne me trompe pas, l'intro de la chronique, c'est bien toi qui l'as fait. Oui. Ça me dérange pas. Tu peux facilement battre ça. Mais je pensais que c'est toi qui la ferais. Ah, si on veut. Si on ouais, veut ben, tu sais, un ordre à un Mathieu est un ordre à un Mathieu, tu sais. À mardi prochain, 8h45, style pas vraiment. Merci Mathieu Roy. C'est un 8h45 variable. Très variable. Alexandra sera variable, mais pas par choix. Après oui. La pause. Restez là. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, bonjour à Assemblage requis en cette belle journée, en ce beau matin avec Jean-Philippe Charbonneau. Il y a aussi Mathieu Plante. Oui, accessoirement parlant, il est là. Il ne sert pas nécessairement à grand-chose par moment. C'est pas vrai, ça. Ah, pas vrai. Tu vois, je pêchais vraiment des compliments. Hein. Ouais. C'est un peu plate, les gens qui font ça. Hein. Ouais. Ouais. En tout cas. Mais nous, au lieu d'une carotte en avant de nous, c'est un micro. Oui. T'es comme le lapin du couple, c'est ça? Coupe d'animation. On accueille Alexandre Carignan qui va nous mettre du contenu. C'est ça. Voici le temps de culture. Bonjour Alexandra Carignan. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, très bien, très très bien. Heureux de te recevoir. Toujours encore un petit peu à délai, là, désolé, ça arrive. C'est correct, je suis arrivé en retard. Ah, dans le contrôle, ah, ben tiens, c'est comme un travail d'équipe alors. Ben oui, c'est ça. Je suis arrivé tard. Je suis arrivé tard. C'est cru comme blague, c'est. C'est cru, oui. Ah. Oh. Je vous écoutais quand même dans l'auto, là. Il y a des débouchés en histoire, vous saurez. Ah ben, c'est... oui, oui. Et il faut c'est juste à Mathieu Roy que je fais ces gags. Mais il n'y en a pas à récréer, ça, par exemple. Non. Bon, on a beaucoup de gens en histoire quand même. Alexandra, Mathieu Roy, Simon Fitzbé. Quand même. David Ferron. Oui. On l'oublie. On essaie. On est partout. Donc, Alexandra Carignan. On est comme une contagion. Hein? Non, je pense que JP avait un gag. Oui, ma joke de tartare, ça a fait un effet bœuf. Ah, c'était la rouette. Je sais pas si faut que je ris ou si je pleure. Je sais pas. Moi, je sais plus quoi faire. Ça fait des émotions, ça, c'est ça. J'essaie d'avoir de l'attention de Mathieu. Ah, c'est ça, notre relation. Hein? T'essaies de te faire approuver par moi. Je sais que je dis, tu mérites le poste que t'as. Oui. Je pourrais faire comme les enfants de 3 ans aussi, pitcher des choses pour attirer l'attention. Ben là, je pitche des jokes. J'essaie. C'est pas assez concret. C'est ça, ça colle pas sur le mur. En tout cas, c'est pas al dente comme blague. Donc, Alexandra Carignan, on parle d'art et spectacle dans le temps d'une culture comme toutes les semaines. Hey, je fais ça, moi. Entre quelques gags qui tombent vraiment, vraiment plat. J'essaie. C'est comme une course à obstacles. T'sais, je dois faire ma chronique en évitant les blagues. Réussira-t-elle à se rendre au but? C'est ce que vous saurez. Réussira-t-elle? Écoute, on va commencer tout de suite, top chrono. Je vous parle de 3 choses. 2 grosses choses, 1 mini-chose. Comme d'habitude, ça va finir par parler d'impro. Mais avant ça, on va parler d'art et spectacle, mais aussi d'exposition. Art et spectacle, spectacle particulièrement, eh bien, on a notre beau David Marin qui va être au Centre culturel Pauline Julien ce vendredi. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a de cela quelques semaines. C'est un être donc ben gentil. Oh. Pour vrai, c'est quelqu'un qui est vraiment talentueux. Moi, je le connaissais déjà. Je me rappelle pas pourquoi. Hein. Ça, c'est quelque chose que je fais. Ben, je connaissais David Marin. J'avais son autre album qui était à côté de la traque. Mais je ne sais pas d'où est-ce que je le connais. Ça, c'est genre le trou dans ma mémoire. Mais je suis contente que ce trou-là ait quand même fait que j'ai connu David Marin. Un petit bout de chemin. Oui, à côté de la traque. David Marin, là, moi, je le décris comme un Louis-Jean Cormier plus trash. OK. C'est bon, c'est un petit protégé de Louis-Jean Cormier. Oui, d'ailleurs, c'est ça que j'allais dire. Louis-Jean Cormier a produit les 2 albums. Donc, à côté de la traque, qui a été son premier album sorti en 2008, et celui-ci, qui est Le choix de l'embarras. C'est Louis-Jean Cormier qui a fait les 2. Au début, en fait, le premier album, ils se connaissaient un peu, ils ont fait l'album. Le deuxième est quelque chose de plus parce qu'il y a une complicité qui s'est faite entre les 2 garçons. Ils ont joué ensemble sur 12 hommes rapaillés. À la base, David Marin n'était pas dans la distribution de 12 hommes rapaillés, mais il a remplacé, tu sais, parce que c'est quand même un show avec plusieurs artistes. Là. Les spectacles que tu fais, tu ne peux pas avoir tous les artistes pendant toute la tournée. Alors, David Marin, ce qu'il faisait, c'est qu'il remplaçait durant ces spectacles-là. Donc, l'amitié avec Louis-Jean s'est un peu plus forgée. Et ils ont, lui a demandé à ce qu'il produise une deuxième fois son album. Et cet album-là, on dirait que ça fait longtemps parce que c'est en 2008 qu'il est sorti à côté de la traque. Mais si on compte toutes les tournées qu'il y a eu avec le remplacement de 12 hommes rempaillés, lui, il dit « J'ai vraiment pas vu le temps passer. » Et pour moi, là, j'ai sorti le dernier album l'année passée, selon moi, là, dans ma tête. Donc, pour lui, en fait, là, ça fait pas longtemps. Et surtout, le choix de l'embarras, il a décidé de prendre son temps. Et ça, c'est de faire un album qui soit fini, qui soit prêt. En fait, quelque chose, là, lui, en fait, il pourrait prendre son temps pendant une éternité, qu'il dit. Et c'est justement pour ça que Louis-Jean Cormier est là. Parce que Louis-Jean, lui, il voit un deadline. Ah oui. Donc, il ramène. Il suit les règles. Il suit les règles, il ramène à l'ordre. Il fait, ben, en fait, cette chanson-là, là, on a tant de temps pour travailler dessus, on bûche là. Et en fait, ça fait un album que j'aime donc bien. Pour vrai, je pensais pas aimer autant. Si j'aimais David Marin, je l'aimais beaucoup. Mais là, c'est comme mon album chouchou de l'automne. C'est tellement un bel album. Il y a la même musicalité que Louis-Jean Cormier, mais avec justement là, les paroles un peu plus trash. Beaucoup de jeux de mots. T'aimerais tellement ça. Pour vrai, moi, Maxime, mon copain qui aime beaucoup les jeux de mots aussi, je l'ai fait écouter une couple de chansons. Puis c'est des jeux de mots brillants. Mm-hmm. C'est de la poésie en jeux de mots. C'est des très beaux textes aussi, des très belles mélodies. Moi, j'ai un verre d'oreille qui est le vidéoclip, en fait, qui est sorti et que je vais d'ailleurs aller vous faire écouter parce que si vous tombez pas en amour avec cette chanson-là, je vous comprends pas. Alors, on va aller écouter Le vent vire de David Marin qui est son premier single de son album Le choix de l'embarras. On écoute ça dans la chronique d'Alexandra Carignan à Assemblage requis, c'est le temps d'une culture. Tout ce qui tombe à l'eau. Tout ce qui tombe à l'automne, comme un matin de rentrée, un cadran qui sonne. Tout ce qui tombe à l'eau, tout ce qui fait faux bon, me donne envie de plonger pour voir si dans le fond y'a pas un escabeau pour me remonter le moral au-dessus des normales de saison et des jours en queue de poisson. Jusque dans le piano, les trucs que tu fredonnes en oubliant les mots. Tout ce qui tombe à l'eau me donne le goût de ramasser. C'était Le Vent Vire de David Marin. Si vous avez aimé ça, allez acheter des billets pour aller le voir à la salle au Centre culturel Pauline Julien. C'est ce vendredi, donc le 15 novembre. C'est étudiant, là, c'est une pinotte, c'est 16$. Et même, en fait, régulier, c'est une pinotte, c'est 18$. Prenez votre citrouille que vous avez pris pour passer l'Halloween, sortez les pinottes du fond. C'est ça, sortez les pinottes du fond, puis allez voir David Marin. Ça vaut la peine, c'est un artiste exceptionnel. Et contrairement à son dernier album, où est-ce qu'il était en formule un peu cabaret, donc réduite, là, il y a le full band. Et là, il est vraiment content. Et d'ailleurs, il démarre sa tournée à Trois-Rivières. Il démarre sa carrière. Le premier spectacle qu'il fait, c'est à Trois-Rivières, donc au Centre culturel Pauline Julien. David Marin, ça vaut la peine. Je vous encourage. On vous parle d'encourager les artistes d'ici. Puis là, ouais, mais tu sais, j'ai encore mis en fait un speech là, sur c'est pas tant d'encourager les artistes d'ici, mais d'encourager les bons artistes. Oh, nuance. Eh bien, ça, c'est un bon artiste, les amis. Alors, je vous le dis, moi, je peux pas y aller et je suis vraiment triste. Alors, allez-y à ma place. Je vais me venger pour la fois où t'es allé voir Mister Valère et que j'ai pas pu y aller. Moi, je t'ai invité au party de Noël privé le 4 décembre. Moi aussi. Ah, yeah! Bon. <Wow. rire> Il pensait avoir quelque chose de plus que l'autre. Une carte postale? Oui! Oui! C'est cute, hein? Je suis vraiment contente. D'ailleurs, Mister Valère, on vous aime. Oui, je l'ai sur mon frigo. Moi aussi. Aïe, aïe, c'est pareil. Alors, David Marin, ce vendredi 15 novembre, au Centre culturel Pauline Julien, ne manquez surtout pas ça. Sinon, en fait, dans les arts visuels, je vais vous parler du Centre d'exposition Raymond Lanier qui présente deux nouvelles expositions. En fait, la première qui est de Philippe Boissonnet, un artiste professeur à l'UQTR dans le département des arts qui fait dans l'art médiatique. Et là, je vais essayer de vous expliquer l'exposition parce que c'est quelque chose qui est très interactif. Le but, c'est d'y aller et de voir tout ça. Il va beaucoup travailler avec les hologrammes, mais aussi les vidéos interactives, dont une que tu peux marcher sur une toile par terre et à ce moment-là, tu contrôles la terre. Qui est une projection sur le mur. Wow! Mm-hmm. Ok, non, c'est bizarre, mais ça a l'air intéressant. Mais c'est super intéressant. Mais faut pas oublier de mettre les petites pantoufles pour pas saler la toile. Oui, oui. Alors, ça, c'est super intéressant. Il va beaucoup aller chercher le concept du pouvoir. En fait, il s'inspire du mythe d'Icare. Donc, celui là, qui avait les ailes de cire et qui s'est trop approché du soleil, okay. qui a tombé, en fait, parce que les ailes de cire ont fondu. C'est l'idée que lorsque tu veux du pouvoir, il y a une limite. Et cette limite-là, tu peux l'atteindre et chuter. Donc, c'est la chute qui intéresse Philippe Boissonnet. Il y a deux autres œuvres qui sont des hologrammes. Ça, c'est impressionnant, les hologrammes. Hein? Parce que c'est comme une plaque de plastique, ce qui a de l'air de. Là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais pour les épées, on décrit ça comme une plaque de plastique. Transparente, ouais. dans laquelle il y a des lasers qui ont dessiné quelque chose. Et quand on le met à la lumière, il y a quelque chose qui apparaît. OK. Ça, c'est intéressant. Et ça, pour le voir, il faut aller au centre d'exposition à Rimolagny. Il y a trois œuvres. Seulement trois œuvres, vous me dites, mais elles sont grosses. Fait que vous allez voir que ça prend de la place. Ça vaut la peine d'y aller. Un artiste de Trois-Rivières, encouragez ça. Dans la deuxième salle, c'est pas un artiste de Trois-Rivières, mais on peut l'encourager pareil. C'est un artiste de Montréal, photographe Louis Perrault, qui, lui, en fait, a décidé de prendre en photo une ancienne usine désaffectée de Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ce qui est censé être un lieu abandonné. Il s'est rendu compte, en prenant une marche, que c'était pas du tout abandonné. Qui avait non seulement des animaux qui vivaient là, mais aussi des itinérants. Donc, il s'est dit, en fait, que c'était intéressant de voir la nature, l'abandon habité. Alors, durant quatre saisons, donc du mois de novembre là, jusqu'à l'été, donc automne, hiver, printemps, été, justement, il a pris des photos de ces endroits-là avec un appareil, un vieil appareil, ce qui fait que la photo est prise comme au niveau de son torse, un peu. Donc, toujours plus basse là, qu'un homme normalement exactement à vision. Alors c'est super, il y a vraiment des belles couleurs, c'est super beau. Fait en format carré, les photos d'habitude vont souvent être en horizontal. Ouais, c'est ça. Ça va être plus genre Instagram. Ouais, exactement. c'est plus dans l'idée d'Instagram, mais c'est vraiment très très beau. Alors les deux expositions qui sont présentées jusqu'au 4 décembre, donc vous avez encore le temps d'y aller. Surtout, non c'est pas jusqu'au 4 décembre pas toutes. Mais c'est pas grave, c'est jusqu'à un moment donné. Oui, le 4 décembre, c'est le salon des métiers d'art. Je peux déjà faire une pub pour ça. Mais non, en fait, je pense que c'est jusqu'au 24 novembre. Allez-y, c'est super gratuit. On ne peut plus gratuit. Même, il y a des visites guidées là, qui viennent avec ça. Ils payent. On te paye pour la visite guidée. Vous avez une visite guidée, je suis à 5$. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on va arriver au centre d'exposition à Rimolagny. Mais là, on m'a dit que non, ce n'est pas vrai. Ceci est une blague. Donc, gag. Alors, c'est en haut de la. En fait, dans la Maison de la Culture, en face de la scène Alain Salarousseau, c'est ouvert du mardi au dimanche, de midi à 17h. On s'est rejoint là-bas. Et ma dernière pub, ben, en fait, c'est la lime ce soir. Oui, mardi. Alors, hier, il y avait la huître. Les verts, d'ailleurs, ont remporté sur les rouges par un point. C'était serré. Oui, oui, oui. Et finalement, en fait, on va voir ce soir les oranges contre les verts. Pas les mêmes verts, mais voilà. Une autre sorte de vert, un vert plus foncé, je pense. Les verts qui, la dernière fois, ont joué dans la salle à Alain Rousseau. Donc là, vont devoir se réadapter à la salle où Philippe Poisson. Et les oranges qui ont battu à plat de couture, overlock, les blancs la semaine dernière. Alors là, on va voir s'ils ont la même énergie ou si les verts vont leur faire compétition. C'est ce soir, toujours à la Maison de la Culture, salle Louis-Philippe Poisson. 5$ étudiants, 6,50 adultes. Be there. C'est des peanuts. À 20h. Exact. Faut me dire, c'est qui les capitaines d'équipe dans ce temps-là, moi? Justin Garnon. OK. Hashtag moi aussi dans l'équipe. Hashtag toi. Hashtag moi. Et les verts, c'est Louis-Étienne Villeneuve. OK. Hashtag Guillaume Chalet-Janson. Hashtag Simon Potvin. Hashtag Gabriel. Sur Instagram. Ouais. Voilà. On vous retrouve tous sur Instagram. Et ce soir, à la Maison de la Culture. Hashtag en respectant. Hashtag awesome. Hashtag voilà. La soirée nous appartient. Hashtag foodies. Hashtag foodies. Hashtag bye bye. Hashtag merci, Alexandra Carignan. Oh. C'est super fin. On te retrouve sur David Marais Internet. Oui. Oh là là. Voilà. C'est mardi à 9h pour la prochaine chronique. Le temps d'une culture. Oui, monsieur. Yes. Nous, ben, Caroline, le temps passe si vite ensemble que... Que ben, l'émission se termine, genre, dans les prochains instants. Si je peux juste faire stop sur ton fond. Voilà, merci. Ah, belle émission qu'on a passée. Oh, merci tout le monde. Non, excuse-moi. Je fais tout trop vite. Trop vite, man. Recul... Nous présentait trop vite. Hey, c'est même l'ancienne intro avec le début. On n'utilise plus ça. Mauvais matin, ça. Ouais. Ouais, mais ça marche pas. Comment ça? C'était la belle époque, la belle époque. On se quitte, on remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire... Andrew Durocher. Lennox. Mathieu Roy. La collègue de l'OGQTR. Alexandre Carignan. Le temps de culture. Et on dit à la prochaine à Charles-Antoine Rioux qui sera là pour une prochaine fois. Bien sûr, on va le retrouver dans quelques semaines. J'imagine dans 2 semaines. Oui, demain, à Assemblage requis. Voilà. Demain, qu'est-ce qu'on a demain? Ouais. Ingrid Anneberg sera là. Pour la course au trésor. Exactement. Stéphanie Paradis. Pour la collection Le Campus. Oui. La dernière édition qui sort aujourd'hui mardi. Oui. Lily Brunet-Saint-Pierre et Sébastien Dulude seront là aussi. Pour la plomb dans la tête et va voir J'y suis. Oui. Allez voir cif.ca pour l'horaire complet. En tout temps, restez à l'écoute pour les malhonnêtes à 10h et le dîner de con à 11h. Ensuite de ça, Rock Classique sera là en après-midi pour vous combler ça de Rock dans ta face. Ah, c'est pas le nom de l'émission, Rock dans ta face, c'est vraiment laid. Ensuite de ça, je vais être de retour pour les Parleurs assez fous, édition top 10 avec Stéphanie Paradis. À 18h, c'est La Vie en Mauve, le magazine culturel. Et à 19h, c'est Réanimation avec du métal et de l'horreur. Sinon, ben, c'est ça, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et balado diffusion. Oui, et puis c'est fou.ca pour la programmation complète. Passez une excellente journée. Merci Jean-Philippe. Merci Mathieu, on se voit demain. Bye bye.